Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Mensuel, troisième lundi du mois, retransmis le jeudi matin pour les plus matinaux. Donc on est ensemble 1h30, on est aujourd'hui, on en avait parlé la semaine dernière, avec le centre social JDP, Jean de Petit, et donc on est avec le président du centre social, donc Joël, Guillaume, le directeur, Kétia et Anne qui sont animatrices avec chacune un secteur d'activité différent. On aura l'occasion d'en parler, Vie de quartier et français langue seconde, où tu avais une plus belle formule tout à l'heure, mais tu en reparleras quand on donnera la parole. Donc on va discuter de leur activité, mais on commencera d'abord par parler de l'histoire de ce centre social. Qui base tous les centres sociaux ont leur histoire, mais celle de J2P a sa petite particularité. Donc, je répète quand même que c'est tout près d'ici, dans le 19e, et qu'on est content de les avoir avec nous. D'abord, parce que c'est le quartier, donc c'est important aussi que les associations, puisque FPP, c'est une radio associative, puissent. Créer des relais, des ponts pour qu'il y ait des communications entre tous ces gens qui animent le quartier ou qui font en sorte qu'il s'y passe des choses. Et on est aussi très contents puisqu'ils nous ont donné l'occasion de venir à deux reprises lors d'une deux ans de suite à une soirée mexicaine où il y a eu des projections et l'opportunité de parler de ce qui se passe au Mexique et notamment des luttes et puis on a eu l'occasion aussi d'avoir de la danse, du folklore mexicain, si l'on peut dire, guillemets, folklore, je retire, c'est mal pris. Donc on les retrouve tout de suite, on commence juste avec une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Estamos avancés. Pues gracias por la ¡Ocurriste! ¡Protestaste! ¡Y los bancos! que he soñado. Oh, no haré nada, pagando y proyectando. Me hago la jornada, yo trabajo para mi hermano. No, para el empresario, chupa el pico, Belisario. Te gritan los libertarios. Hagamos barricadas en la población. O vayamos a bañarnos todos al sacor. Y ahí con tu ley, tu padre me estudió. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Dice, la destrucción es el primer paso. Destruir el capital con jarana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario Velasco me da asco, empresario culiao me da asco, empresario culiao me da asco. Y Bachelet rima con Pinochet, y Bachelet rima con Pinochet, y Bachelet rima con Pinochet, y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía Jungle des luttes FPP, bienvenue à vous. On est avec le Centre social et culturel, je rectifie, c'est important, donc de situé dans le 19e, donc J2P et Jean de Petit. Et donc on est avec Guillaume, Anne et Joël et Kétia. Et donc, oui, je sais, je pense que je me trompe. Il m'a tellement dit qu'il fallait absolument que je dise. Je reste sur J2P, je connais J2P, c'est important. Joël, il faut intervenir dans le micro quand tu vois que je dis une connerie. Ah, vous parlez là, un peu. Ah, ben là, ah, les micros sont ouverts. Ah, d'accord, micro ouvert. Alors. Donc, on avait dit qu'on commencerait pour parler de l'histoire, de comment a été créée cette association qui a déjà donc, une histoire déjà de plus de 10 ans, mais qui, du coup... à une histoire au départ plutôt de situation spécifique dans le quartier. Guillaume, c'était un petit peu ton tour. Ouais, c'est ça. Donc ouais, juste sur le nom de la sauce, donc effectivement c'est J2P, ça signifie Jaurès Pantin Petit. Ouais. En fait, c'est le nom des rues, l'avenue Jean Jaurès, la rue Petit dans laquelle est situé le centre social, qui va jusqu'à la porte de Pantin, et c'est un peu ce territoire-là qui est le territoire d'intervention et d'implantation de la sauce, quoi. Donc ouais, alors pour revenir à la création, à la genèse un peu de cette assoce, ça a commencé donc à la fin des années 90, en 97, et c'est d'abord effectivement l'histoire du quartier. Donc ce quartier qui a énormément changé là, en une quinzaine d'années était un quartier qui était notamment composé d'énormément d'immeubles insalubres qui étaient squattés ou loués par des marchands de sommeil, hein. C'était aussi des logements pour lesquels les gens payaient, quoi. Et il y avait environ 250 personnes, des personnes qui étaient issues de l'immigration africaine, qui habitaient dans ces conditions vraiment inimaginables pour une fin de XXe siècle, hein, des logements, quand je dis insalubres, voilà, c'est vraiment des problèmes de saturnisme, pas d'eau courante, pas d'électricité non plus dans les logements, des logements hyper exigus et complètement délabrés, quoi. Les plafonds qui pourrissent, etc. Les enfants, comme je disais, qui mangent les peintures au plomb et qui ont des problèmes, des pathologies, quoi, de saturnisme, enfin voilà. Donc, la misère sociale liée au logement, avec tout un corollaire de problématiques qui venaient s'ajouter, qu'elles soient économiques, familiales, sociales, etc., quoi. Et donc voilà, et tout est parti de là, quoi. C'est qu'à un moment, bah, dans ce quartier-là, il y avait une situation d'urgence sociale, une situation de crise, quoi. Et qu'il y a à un moment des habitants qui ont décidé d'essayer de refuser cette fatalité-là et de mettre des choses en place pour que ça aille mieux, clairement. Donc voilà, dans le quartier, on avait effectivement toutes ces familles-là, avec du coup bah, énormément d'enfants désœuvrés, plus ou moins pas livrés à eux-mêmes, puisque leurs parents étaient là aussi, mais en tout cas très présents dans la rue. Et du coup, bah, ça générait tout un tas de, soit de situations, c'est-à-dire problématiques pour les voisins, c'est-à-dire que bah, voilà, ils en avaient marre aussi qu'il y ait autant de mômes dehors et qu'il y ait autant de bruit et qu'il y ait tout le temps des problèmes et des bagarres, etc. Mais aussi pour ces enfants-là, bah, pas de lieu pour se retrouver, pas d'activité culturelle. Et puis... du coup, une éducation, une socialisation qui se faisait dans la rue, à l'africaine. Sauf que voilà, la rue parisienne n'est pas la rue d'un village africain, quoi. Et du coup, bon bah les plus grands, eux étaient dans d'autres types d'activités, voilà, plutôt bah voilà de survie aussi, de dealer, voire après sur de la petite délinquance, des choses comme ça. Donc du coup, forcément, ça crée des problèmes avec les riverains, avec les gens du quartier, etc., quoi. Ouais, forcément un peu conflictuel, mais du coup, il y a une partie qui a pris parti pour essayer voilà. de se battre, parce que tu parlais de problèmes de vie, c'était aussi problème de logement concret, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas complètement, de... Ouais. Complètement. Et donc du coup, il y avait à la fois bah, effectivement des gens qui en avaient ras-le-bol, et puis aussi des gens, et peut-être un peu les mêmes aussi, je ne sais pas, qui se sont dit « Ok, on en a ras-le-bol, mais on ne va pas fermer les yeux non plus sur une situation qui nous concerne, quoi. » Et qui ont été plus dans une démarche de solidarité et d'essayer de voir comment ils pouvaient tout simplement donner un coup de main à ces gens qui habitaient dans les logements insalubres, quoi. Donc l'idée c'était de pouvoir déjà accompagner ces personnes dans leur relogement, qu'elles puissent enfin être logées dans des logements décents, retrouver une certaine dignité. Si possible, pas trop éloigné et dans Paris. Et puis aussi, bon, il y avait bien sûr toutes ces situations administratives, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de sans-papiers aussi dans ces migrants-là. Et bah donc du coup, voilà, la situation des sans-papiers, on la connaît, situation de stress, la peur du contrôle, l'impossibilité de travailler autrement qu'au noir... Et puis des soucis bah voilà, avec les enfants, etc. Quoi. Donc y avait aussi cette question-là qui était vraiment prégnante. Et dans les années 90, ça existait déjà. On en parle encore aujourd'hui et la législation s'est durcie. Mais il y avait déjà ces luttes-là. Dans les personnes qui habitaient dans les squats, il y avait notamment un de nos adhérents, là, qui est un des administrateurs aussi de la SOS, M. Comté, qui était une des personnes qui était à l'origine de l'occupation de l'église Saint-Bernard. Voilà, ils ont été vraiment... Il y avait pas mal de gens à l'intérieur de ces squats aussi qui étaient des personnes qui étaient dans la lutte déjà, quoi. Donc plus ou moins de façon communautaire, mais... Là, ce qui a été remarqué à ce moment-là, parce que c'était vraiment que des Africains qui étaient dans ces logements-là, et je me rappelle sur un des films que je regardais il y a peu de temps, c'est qu'il y a justement des personnes qui ont dit bah, « Tiens, les Français nous ont tendu la main, quoi. » et donc, ce sont des personnes qui étaient logées dans d'autres logements, qui, eux, n'étaient pas insalubres et plutôt récents, des logements sociaux, qui ont eu cette démarche-là d'aller vers ces squatteurs et de leur dire bah, « De quoi vous avez besoin En quoi est-ce que nous, on peut vous aider ?» Et en quoi on peut faire des choses ensemble et faire vivre notre quartier, quoi. Et je sais que ça, c'était quelque chose qui a touché, quoi, de dire, bah oui, oui, les Français aussi, ils peuvent nous tendre la main et pas seulement nous rejeter ou nous considérer avec cette étiquette de squatteur qui a un sacré stigmate social quand même, quoi. Ouais, sans doute ce qui a aidé aussi, c'est que si les gens qui étaient concernés dans ces situations, qui étaient déjà un peu organisés finalement ou en lutte, peut-être que ça a aussi aidé à ce qu'il se passe vraiment quelque chose de constructif. Oui, moi, comme j'étais habitant à l'époque, donc c'est Joël, hein, aujourd'hui coprésident de l'association J2P, c'est que, outre le problème de logement et des effets sociaux que ça avait pour les familles, on a même assisté à l'époque à des départs de feu, qu'on pouvait imaginer, mais comme on continue de voir... de façon volontaire pour faire partir les gens, avec les enfants qu'on jette du quatrième étage. Bon, enfin, ça a été très, très dur. Et quand Guillaume disait, fin du XXe siècle, voir ça dans Paris, voilà, ça demandait, je pense, aux gens qui étaient autour d'avoir cette urgence sociale et de dire, il faut qu'on fasse quelque chose avec et pour ces gens-là. Donc, c'est toujours, aujourd'hui, je pense, le point de départ de dire, on fait avec et pour. pour que maintenant que les gens sont plus ou moins bien logés dans cette rue Petit, pas toujours bien, mais qu'on puisse aujourd'hui agir sur un peu le contexte social qui est de plus en plus difficile. Et voilà, d'avoir une association dans le quartier, aujourd'hui un projet professionnel d'un centre social et culturel, 7 salariés, c'est pas rien pour mettre en place une dynamique sociale, culturelle et voire économique pour que les gens, on les accompagne vers un meilleur et surtout qu'on arrive à vivre ensemble. On prend peut-être un petit moment pour écouter Kétia qui avait les paroles, un poème, un texte écrit par justement un ancien de ce quartier, de ce squatter, on peut dire. On peut dire ça, tout à fait, ouais. J'ai été de toutes les batailles, de toutes les luttes, au nom des papiers. Je me suis rebaptisée Crevette, Alain, Moussa ou Karim. J'en ai même oublié, au nom des papiers. Je me suis cachée de certains amis, discrétion oblige. Même mon amour m'a quittée, au nom des papiers. Les agences immobilières me sont interdites, me laissant pour seul recours le squat et son corollaire. Insalubrité, insécurité, expulsion à tout instant. Oui, j'ai été de toutes ces batailles, de toutes ces luttes quotidiennes de survie, car il faut bien que j'ai ma place, ma dignité, au nom des papiers. Je ne peux pas travailler que derrière le rideau, à la merci d'employeurs sans scrupules qui m'ont volé des mois de salaire et contre qui je ne peux porter plainte. Est-ce justice ? Au nom des papiers. Je suis moins qu'un animal, je suis le parasite à abattre. La cause de tous les maux est pire encore le thème de campagne de certains politiciens. Je leur parle de Dieu, mais hélas, il n'a pas sa place dans leur cœur, au nom des papiers. Je suis isolée, seule face à ma conscience, face à ma souffrance, partout des regards agressifs. Quel homme serais-je devenu lorsque tout cela sera fini, au nom des papiers ? Alors ce poème, c'est un poème d'Amadou. Amadou qui est aujourd'hui administrateur du J2P, qui a été un des fondateurs, qui vivait lui justement dans ses logements insalubres, dont parlait Guillaume. Et voilà, donc c'est un petit hommage à ses familles. Et voilà. Merci. Donc on fait une petite pause musicale et on reviendra du coup sur la création de l'association une fois qu'on a posé le décor. À tout de suite. Just a story. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate. It's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation? Mr. Television, where is your creation? Mr. Television, the first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. Thank you. us a story about the disease of the century. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation, Mr. Television? Where is your creation, Mr. Television? The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. FPP 106.3, la jungle des luttes, on est avec le centre social et culturel J2P. Et donc, on était un peu sur comment s'est créée cette association en partant donc d'une situation de misère sociale, d'urgence sociale surtout. Et donc, une implication des gens du quartier, des habitants qui donc sont mobilisés pour, dans un premier temps, essayer d'aider ces gens à avoir dans les démarches administratives, si j'ai bien compris, pour qu'ils puissent avoir un logement, être logés et éventuellement sur la question des sans-papiers, puisqu'une partie d'entre eux n'en avait pas. Et donc, on continue justement avec Joël, qui était un habitant du quartier, qui n'a pas forcément participé au départ à organiser cette association, mais qui a été présent. Et donc, je vous laisse la parole pour raconter un peu comment ça s'est vraiment formé, en fait, finalement. Et... Alors, au-delà des gens qui ont monté une association, il y avait quand même tout un quartier qui avait mis en place des solidarités. Moi, mes enfants, ils étaient à l'école à l'époque. Et je me rappelle même de la directrice d'école, ce que je te racontais tout à l'heure, qui avait mis en place récupération de vêtements et de chaussures pour les enfants qui sortaient, les mal logés, qui le matin partaient des fois et qui n'avaient pas pu avoir accès aux biens sanitaires, c'est-à-dire d'être équipés pour aller à l'école. Donc voilà, ça c'est des souvenirs qui doivent parler à pas mal d'habitants, de ces enfants qu'on accompagnait vers l'école, du soutien qu'il y avait aux mamans, ou au papa ou aux familles. Donc voilà, il y avait tout un contexte où beaucoup de gens aussi ont fait énormément de choses avec ces habitants et pas forcément étant inclus dans la première organisation associative. Donc il y avait vraiment de la solidarité à tous les niveaux. Là, je peux te dire, c'était l'école Tandou, rue Tandou, de la maternelle jusqu'à après l'école polyvalente, à Armand Carrel aussi. Il y avait toutes ces formes-là de... Et beaucoup autour des parents d'élèves, quoi, qui le matin ont la chance d'amener leurs enfants, de les accompagner, qui avaient un regard sur ces enfants-là, et qui même les associations de parents d'élèves ont agi, indépendamment de l'association J2P, pour qu'il y ait des choses qui se passent dans les écoles aussi en termes de solidarité. Donc c'est important, c'est-à-dire que oui, une association, oui, des habitants, mais plus largement, ça c'est important parce que c'est le témoignage. Beaucoup de papas et de mamans et de familles qui ont porté une attention et un accompagnement actif à ces familles pendant des années. Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus de solidarité, enfin, parce que ça va vite le temps, en fait, finalement, c'est assez proche, 97, c'est ça, 90. Donc c'est vrai qu'on est un peu après Saint-Bernard, où il y avait eu une grande mobilisation, où il y avait un sentiment de solidarité et d'une lutte à mener de front, et que c'était, ça concernait pas les sans-papiers, cette lutte des papiers, mais ça concernait absolument tout le monde. Donc je pense que peut-être ça a bénéficié aussi... cet élan, quoi, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est peut-être plus tout à fait dans les mêmes dynamiques où les solidarités sont quand même plus... Oui, non, mais il y a toujours de la solidarité, mais sur les quartiers populaires, etc., c'est quand même de plus en plus renfermé. C'est fait pour qu'en tous les cas, on se renferme tous et qu'on se voit de moins en moins les uns les autres. Ça a été beaucoup nettoyé à Paris, de toute façon, déjà, dans un premier temps. Donc, des situations comme ça, on n'en retrouve pas forcément. Je veux dire, c'était juste pour dire que quand même, c'est resitué sur l'époque où, en fait, il y avait peut-être... Il n'y a pas beaucoup de quartiers dans Paris qui bougent comme ça. Je pense que c'est... Moi, je trouve que... En plus, je travaille en banlieue, mais je trouve que même s'il y a eu beaucoup de gens qu'on a exclus et envoyés très loin dans des banlieues lointaines, à Paris, mais dans nos quartiers populaires, mais dans les quartiers populaires aussi de banlieue, il y a des gens qui œuvrent, qui luttent tous les jours pour la défense d'une vraie citoyenneté. Et je trouve qu'en plus, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de se réinvestir ou de s'investir parce qu'ils voient bien, même si ce n'était pas leur approche de départ, que ça ne va pas. Et que s'ils restent isolés avec leur petit confort, ça ne va pas non plus. Donc, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a... Oui, mais je pense que c'est un nouveau... Voilà, il y a des lieux... Oui, il y a des lieux où des gens... Mais déjà, des gens qui, on va dire, J2P, c'est 13, 14 ans, il y a des gens qui s'usent depuis 30, 40 ans des associations dans les quartiers, justement pour maintenir de ce qu'on appelle le lien social ou le vivre ensemble. Ce qui est dur aujourd'hui, oui, c'est comment il y a eu un retrait significatif depuis 15 ans sur toutes les politiques publiques visant l'accompagnement social ou de façon globale. Le social, c'est culturel, c'est le logement, c'est l'économique. Il y a eu ce retrait-là depuis une quinzaine d'années et que ça devient très, très difficile de maintenir des projets citoyens, militants, aujourd'hui professionnels, parce que je pense que la plus-value de l'association J2P et du centre social et culturel qu'elle porte, c'est vraiment d'avoir des reconnaissances institutionnelles, des subventions pour que vraiment il y ait un travail et qu'on reconnaisse ce travail de lien social, de fabrication de lien social qu'on nomme économie sociale, et aujourd'hui économie sociale et solidaire, mais qu'il faut réinterroger et se battre, nous les habitants en tous les cas, pour faire comprendre et valoriser que c'est un besoin, et je vais laisser la parole, mais ce n'est pas simplement un besoin pour nos quartiers populaires. C'est-à-dire qu'aussi, il y a des demandes ailleurs de gens qui veulent revivre ensemble. Et pour sortir des stigmates ou des oppositions, il y a aussi d'énormes besoins dans les quartiers privilégiés, pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées, d'avoir des activités, de faire des activités ensemble, d'être dans une démarche collective. Donc voilà, c'est J2P, c'est dans un lieu, un territoire fragilisé, mais on pourrait, je pense, et on a ça en tête, d'essaimer ou en tous les cas de valoriser cette démarche aussi bien dans les quartiers où il y a moins de fragilité sociale. Justement, je pense que ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, c'était plutôt par rapport au fait que c'est important de voir que maintenant, ce qui se passe, c'est finalement vachement centré sur le local. C'est-à-dire que c'est justement de plus en plus d'organisations, d'associations qui se montent dans des quartiers. C'est des gens des quartiers qui veulent faire pour leur quartier, leurs voisins, les gens qui côtoient tous les jours, etc. C'est un renouveau, en fait, un petit peu quand même comment on vit ensemble, puisque justement, comme tu disais, on voit bien que on commence à être cerné de toutes parts et puis avoir beaucoup d'espace, et il faut regagner de l'espace public. Enfin, l'espace public au sens de la rue, des espaces l'espace public, collectifs où on peut... Et donc, justement, je pense que ce centre social et culturel, cette association, elle a justement vocation à bon créer du lien, à fabriquer du lien, mais aussi à investir des espaces, en fait, et à créer des... L'un des premiers projets justement de cette association naissante, c'était justement quelque chose qui s'appelait Prenez Place, et c'était l'idée de justement d'envisager à l'époque ça paraissait complètement utopique, hein, mais d'envisager le quartier différemment, d'imaginer du mobilier urbain, d'imaginer le quartier dans lequel les habitants auraient envie d'habiter, quoi. Et c'était vraiment ce truc-là avec une association artistique qui s'appelle Pulse. D'imaginer justement un quartier qui serait différent et qui serait à l'image de ses habitants, de leurs envies, de leurs espoirs, quoi. Et quand tu parlais tout à l'heure, ouais, du lien social, en tout cas de cette envie de vivre ensemble, de partager des choses, de ce retour au local qui peut exister aujourd'hui, je pense que l'histoire de cette association, elle est aussi liée à ça, quoi. D'un côté, il y avait des squatteurs qui étaient déjà ostracisés, mais en plus qui, eux, se sentaient isolés et avec une certaine honte aussi, quoi, d'habiter dans ces logements-là et d'être perçus comme ça, quoi. Et puis, de l'autre côté, bah, il y avait des habitants d'immeubles de logement social qui, eux, soit vivaient dans le repli sur eux-mêmes par réflexe de défense, soit voilà, dans l'entre-soi... communautaire ou pas, hein, ou affinitaire, mais et qui du coup avait aussi quand même une envie de s'ouvrir et de partager des choses avec les autres et de pas croiser le voisin d'en face, qu'il soit squatteur ou pas, de façon complètement anonyme, quoi, qui ait au moins un bonjour, bonsoir, et puis qui ait de temps en temps des temps de partage et des choses à faire ensemble, quoi. Donc ça, je pense que ça, c'est aussi une des choses qui a porté le fait que cette association puisse exister. Et donc, il y avait au-delà des différences de classe, on va dire, hein, parce qu'il y avait, des personnes de classe moyenne. Les personnes qui ont lancé cette asso, c'était plutôt des gens, comment dire, plutôt favorisés intellectuellement, culturellement et socialement, quoi. Et au-delà de... Comment ? Pas dit intellectuellement. Je me suis repris. Mais et voilà, et donc je veux dire, au-delà des différences de classe qu'il pouvait y avoir, où on pouvait gloser à l'infini sur le rapport dominant-dominé, etc., bah, y avait des humains qui avaient envie de faire des choses ensemble, quoi. Et c'est vraiment comme ça que l'asso est parti. Après, bah, bien sûr, si cette asso a marché, comme tu le soulignais tout à l'heure, bah, c'est peut-être aussi parce que justement. Ces Français bien intégrés, socialement et culturellement favorisés, ont pu déclencher des appuis après qui ont pu être politiques, etc., pour pouvoir un petit peu alerter sur cette situation-là. Mais l'histoire vraiment du début, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on soit dans cette émission-là, il y a vraiment un lien pour moi, quoi. C'est des gens, quoi. C'est des personnes qui se bougent et qui font quelque chose, quoi. Et qui se disent ensemble, on va refuser cette situation-là et on va essayer de la transformer, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'asso est née, en fait. Il y a quelques habitants qui ont créé une amicale de locataires, qui ont demandé à pouvoir utiliser un local commun de réunion, qui est c'est une pièce qu'il y a dans tous les logements sociaux pour que les habitants puissent se réunir. Et puis, dans cette pièce-là, bah, ils ont commencé par faire des réunions, à discuter des problèmes, etc. Et puis, peu à peu, bah, à dire on va mettre... on va faire des permanences, donc voilà, ils ont mis une table et puis il y a une personne qui accueillait les gens, donc au départ bénévolement, hein, pour les aider dans toutes leurs démarches administratives, et en premier lieu qu'ils puissent être logés et obtenir leur régularisation pour les sans-papiers, quoi. Comme quoi, quand on veut s'organiser, on peut réussir à faire plein de choses. Joël, tu voulais dire quelque chose ? Ah non, non. Moi, je trouve que notre directeur, alors en plus, il a eu la double appartenance et il a été président aussi. Il ne dit pas parce qu'il est humble. Mais voilà, il y a 3 ans, on a accueilli dans le quartier un jeune bénévole président qui a fait pas mal de choses avec le directeur de l'époque, que si nous écoute, Morad Charine, quoi, qui venait de banlieue d'Épinay-sur-Seine, qui avait une vision très banlieue de l'intervention sociale et qui a apporté énormément au projet, qui a beaucoup appris aussi de la réalité parisienne, parce que sur ce micro-quartier, hein, ce quartier petit Lomière, quoi, y a la chance aussi, c'est que y a une mixité, on va dire, socio-professionnelle qui est en train de prendre un sale coup, hein. Là, on est dans la jungle financière, après avoir été dans la jungle sociale. Voilà, il y avait cette, il y avait la jungle des luttes. Ouais, tu fais la pub reste, un peu pour. Non, mais reste la jungle et des luttes, ouais. Et donc ça a aidé aussi, hein, c'est-à-dire que oui, il y avait encore des habitants à l'époque qui pouvaient se mobiliser parce qu'ils étaient portés par un idéal politique, philosophique, idéologique, parce qu'ils habitaient le quartier et qu'il y a cette mixité. Là aujourd'hui, c'est tenu cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins. Avec, bon, vous savez bien la spéculation qu'il peut y avoir dans nos quartiers. Si on n'est pas attentif et si on n'a pas, on valorise pas ce projet tant social, économique et culturel sur un quartier, c'est aussi une forme de résistance à ce que on délocalise les petites gens, quoi, comme ça a été fait pendant des années, et qu'on continue à promouvoir le vivre ensemble et surtout les amener vers. Bon, mais Guillaume va en parler, les copains aussi, les copines, mais sur une autonomie économique qui leur permette à ces gens-là de rester là où ils sont et où ils sont bien, où leurs enfants ont grandi, où leurs enfants vont à l'école et où leurs enfants, au moins, ont la possibilité, en prenant une ligne de métro, d'être dans un autre monde, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines banlieues, si tu vois ce que je veux dire. Donc, justement, avant de rentrer plus dans le sujet de les activités du centre, de ce que vous faites, etc., on va faire une petite pause musicale. Et on se retrouve donc toujours la jungle des luttes jusqu'à 20h30. Tenen nahnini FPP, la jungle des lunes, dont, la jungle des luttes. Je suis un peu fatiguée, j'étais malade, mais je suis là c'est quand même. Et donc, on est avec le centre social et culturel J2P, donc, qui est dans le 19e, pas loin de FPP, de chez nous. Et donc, on continue avec, avant d'oublier, parce que voilà, il faut me faire signe, parce que souvent, on ne présente pas les morceaux, parce qu'on ne connaît pas vraiment qui, quand, quoi. Mais là, on sait. Donc, on va en profiter pour dire que le premier morceau, Guillaume... Ouais, le premier morceau qu'on a entendu, donc, c'était Television Addict de Pupa Jim. Enfin, le morceau qu'on a entendu précédemment. Et voilà, c'est un jeune français, breton, qui fait du reggae et qui le fait plutôt bien, quoi. Et donc, ce qu'on vient d'écouter, Anne. Et ce qu'on vient d'écouter, donc c'est Samia Diar qui a accompagné avec son groupe de musiciens Milouda Chekik quand elle a joué pendant son spectacle Tata Milouda. C'est un spectacle que nous sommes allés voir avec un groupe de femmes qui est en apprentissage de la langue française et qui a provoqué des réactions et des émotions diverses et variées parce que Tata Milouda, c'est une femme qui a un parcours très, très similaire aux femmes qui fréquentent la sauce. Voilà, qui n'a pas été scolarisée, qui n'a pas eu cette chance-là, qui a dû se battre pour apprendre la langue du pays d'accueil, pour obtenir les papiers, enfin voilà, tout un processus et qui aujourd'hui écrit du slam et joue sur scène et sera d'ailleurs prochainement à nouveau à la Maison des Métallos. Voilà. Merci. Donc on reprend un peu donc sur cette association qui... on reprend un peu sur les options qui ont été prises en fait sur... parce que bon, voilà, les centres sociaux, il y en a plein. Il y en a qui arrivent à bien bosser, donc ont plus de difficultés. Il y a les problèmes de budget. Bon, ça, c'est un peu récurrent à toutes les associations. Il y a parfois, faut gérer avec les mairies selon les villes où on est. Il y a des fois des pressions. Donc vous en êtes où là, votre association, sur les choix, comment ça s'est créé, avec quelles options, quelles lignes politiques, projets, etc. Ouais, donc pour finir vraiment sur la création, donc il y a eu ce collectif d'habitants, puis après qui s'est uni avec un certain nombre d'assos aussi du quartier, et notamment beaucoup l'association des résidents du foyer de travailleurs africains qui est juste à côté de J2P, et puis un certain nombre d'associations, aussi des associations culturelles, je parlais tout à l'heure de Pulsar, il y a une âge, la compagnie de théâtre Forum, il y avait un certain nombre d'acteurs comme ça qui se sont bougés et qui ont fait des choses. Il y a eu peut-être à ce moment-là un contexte politique qui était... peut-être un peu plus favorable qu'aujourd'hui, en tout cas dans le rapport aux associations. Dans ce que tu évoquais là, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Ça a été quand même un peu plus appuyé, mais il a fallu que les habitants luttent. Dire, c'était pas juste un petit truc un peu gentillé de se dire on se met en association, quoi. Il y avait vraiment un côté militant. Il y a eu des manifestations dans la rue. Il y a eu énormément de courriers qui ont été envoyés à la mairie du 19e et à la mairie de Paris, mairie RPR à l'époque. Il y a eu une vraie grosse mobilisation. Quand les familles ont enfin été relogées, que les personnes ont obtenu leurs papiers et que les immeubles ont été détruits, il y a un certain nombre de gens du quartier qui ont dit « mais nous, on veut être associés aussi à la réhabilitation du quartier, à comment on fait des choix urbanistiques qui vont correspondre aussi à ceux dont les habitants ont envie. » Et notamment, il y a eu une vraie mobilisation par rapport à l'envie d'avoir des espaces verts et notamment un jardin que les habitants puissent cultiver. Donc ça tombait bien parce qu'il y avait un peu toute cette vague des jardins partagés qui étaient en train de se créer sur Paris et qui avait un espace, un terrain en fait qui n'était pas constructible en face d'un immeuble et que suite à cette pétition, qu'il y a quand même 300 habitants qui ont signé cette pétition, sur un micro-quartier ça fait pas mal, il y a environ 300 logements dans le quartier, pour avoir un jardin et pour que une fois que les immeubles soient reconstruits, on ne soit pas que dans du béton et qu'il y ait quand même ce petit espace de verdure où on peut nous venir cultiver des choses, quoi. C'est pas juste les espaces plantés de la ville, quoi. Donc ça c'est important aussi, enfin c'est... Kétia en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais ce jardin, c'est un terreau fertile justement pour des rencontres et pour du partage de plein de choses, quoi. Tout le monde a des choses à raconter par rapport à ça. Ouais. Ce qu'on peut dire là sur ce jardin partagé, c'est que c'est dans le cadre de la réhabilitation d'un square sur lequel l'association est attenante. Et les habitants ont quand même gagné ce pari de demander à la ville de Paris... qu'à proximité de ce square et dans le cadre de la réhabilitation de ce square, il y ait une parcelle destinée à un jardin partagé. Et c'est vraiment une réussite d'avoir gagné ça. Il est très beau ce petit jardin, en tous les cas. Et on cultive quoi alors, Kétia, raconte-nous. Alors, on y cultive du potager et des fleurs, mais je vous raconterai ça tout à l'heure en détail. Peut-être qu'on va finir on va finir sur ce jardin. Donc voilà, après, bon, pour faire vite, parce qu'on ne va pas s'étaler non plus sur chacune des étapes, mais l'association a été soutenue, a eu un petit peu de réponse aussi institutionnelle, hein, en matière de subventions, etc. Et puis, a pu donc embaucher un premier salarié que je souhaite quand même évoquer, puisqu'on on en parlait tout à l'heure off-micro, mais voilà, il y a eu un monsieur qui s'appelle Norris et qui est toujours salarié du centre social aujourd'hui, 10 ans après, voilà, qui n'avait pas spécialement de formation particulière pour faire tout ce travail d'accompagnement social, d'accueil, de médiation, mais qui s'est complètement formé sur le tas et qui a fait un boulot exceptionnel avec d'autres, hein, mais pour accompagner ses familles vers des conditions de vie un peu meilleures, quoi. Et puis voilà, peu à peu, l'association a répondu aussi à des besoins qui se faisaient sentir, que les enfants aient un lieu pour être accueillis, pour pouvoir jouer, pour s'épanouir aussi, quoi, comme tout un chacun, pratiquer des activités artistiques et culturelles. Ça, c'était une grosse, une vraie marque de fabrique de cette association, c'est de dire, on fait du social parce qu'il faut répondre à un besoin, et ce besoin, il existe et il faut y répondre. Mais il n'y a pas que le besoin, il y a aussi l'envie, il y a aussi l'espoir, il y a aussi tout ça, quoi, le besoin de rêver aussi, quoi. Et donc, du coup, l'association a beaucoup, beaucoup fait appel aussi par le réseau des personnes qui l'a composé à des artistes. Il y a énormément d'artistes qui sont venus de façon assez militante aussi, quoi, bénévolement ou sans être payés vraiment très cher, avec les moyens du bord, dans des toutes petites salles. Mais voilà, il y a eu des réalisations artistiques qui étaient vraiment très belles. On a plein d'archives de toutes ces photos, tout ce qui a été fait avec des belles réalisations, des réalisations artistiques de qualité, quoi. Et puis des événements aussi, d'aller sur le canal et de faire du land art devant ce qui est devenu après les cinémas MK2. Voilà, tout un tas de choses comme ça, où je parlais tout à l'heure de la création de mobilier urbain. Voilà, il y avait des choses un petit peu originales comme ça et qui sortaient de l'idée qu'on peut se faire. C'était pas on va aider les petits squatteurs. Non, il y avait aussi l'idée, on peut faire des choses ensemble et on peut créer ensemble. Tout le monde a du potentiel et des capacités. Et ça, c'est ça que je trouvais très intéressant chez J2P. Moi, je suis arrivé à J2P en 2004 en tant qu'animateur. En fait, on m'a embauché comme animateur à l'époque. Et quand j'ai vu ce projet-là, je l'ai trouvé génial, quoi. Il y avait vraiment une rencontre comme ça de plein de cultures et la volonté de tirer vers le haut, quoi, de ne pas être dans un nivellement en ayant des présupposés sur les capacités ou les potentiels des personnes du quartier, quoi. Et puis voilà, donc cette association, peu à peu, après, a recruté d'autres membres, d'autres salariés, donc qui sont au service d'un projet qui est porté par les habitants, quoi. Ça reste vraiment... L'idée, c'est que ça ne soit pas confisqué par une sorte d'institutionnalisation, de professionnalisation, et que le projet d'association reste vraiment le projet des habitants et le projet d'un quartier, quoi, avant tout. Et du coup, mes collègues en parleront peut-être aussi, mais nous, en tant que salariés, moi, j'ai eu, comme le disait tout à l'heure Joël, un parcours où j'ai été salarié. J'ai été licencié à une époque parce qu'il y a eu un licenciement économique, parce qu'il n'y avait plus de moyens, justement. Moi, j'étais sur l'artistique et le culturel. Quand on est passé au centre social, il y a eu un certain nombre de changements qui ont fait qu'il y a eu des changements dans la programmation des activités et dans la composition de l'équipe. Mais voilà, moi, je suis resté attaché à cette assos. J'en suis devenu président, effectivement. Donc voilà, bénévole, tout simplement, quoi. Parce que j'avais envie de continuer à m'y investir, parce que je voyais les enfants grandir, des enfants que je connaissais, avec qui j'avais fait des animations, etc., quoi. Et voilà, et ça m'a vraiment intéressé de rester en contact et d'être toujours présent dans ce quartier-là et de continuer à faire des choses avec les habitants, quoi. Voilà, donc après, il s'est avéré qu'il y a eu une opportunité professionnelle. C'est mon métier aussi d'être directeur d'association. Donc quand ça s'est présenté à J2P, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai proposé ma candidature, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, donc comme je l'évoque là assez rapidement, on a obtenu un agrément centre social. Donc c'est un agrément qui est donné par la caisse d'allocation familiale et qui permet en fait d'asseoir une meilleure pérennité, on va dire, du centre, notamment par des financements qui sont importants de la part de la CAF et du département de Paris. Ça nous permet en fait d'avoir notamment des subventions de fonctionnement et un poste qui est pris en charge à 100%. Et ça, du coup, c'était un gros changement quand même dans la vie de l'association, parce que ça passe d'une association qui était... C'est 2006. Donc voilà, 10 ans après la création à peu près, quoi, 11 ans. Donc voilà, quand même d'une association qui avait un aspect très très militant, comme je disais tout à l'heure, avec les manifestations, l'interpellation des pouvoirs publics, des élus, etc. Qui garde ce côté militant dans son projet politique, mais qui de fait, par cette reconnaissance institutionnelle, a peut-être eu une tendance à un moment, justement, dans ce passage, à s'institutionnaliser un petit peu, quoi. Et du coup, il y a une réaction, quoi, une volonté, justement, de la part des administrateurs, de la part des habitants, de ne pas se laisser confisquer le projet, quoi, vraiment de conserver la spécificité de ce projet associatif, et notamment de se dire que ce centre social... qu'on pourrait aussi appeler, moi j'aime bien dire centre sociétal, quoi, parce que c'est pas le social, il y a une grosse étiquette là-dessus qui est un peu péjorative, connotée, relation de charité, descendante, on va faire du social, mais social c'est surtout la rencontre, c'est, voilà, c'est ça le centre social, quoi. Et du coup il y a eu un vrai projet qui a été des lignes directrices du projet politique qui ont été sur de dire le centre social c'est l'outil de réduction des inégalités, c'est l'outil des habitants, quoi. C'est pas quelque chose qui est en tout cas le moins possible instrumentalisé et voilà qui doit répondre à des logiques qui sont pas les nôtres parce qu'elles ont été décidées par d'autres à plus haut niveau, si je puis dire ainsi, quoi. On est vraiment dans, quand on parle de développement social, pour nous c'est vraiment l'émancipation, quoi. C'est que les personnes puissent trouver l'autonomie, puissent construire elles-mêmes leur propre projet et qu'elles soient pas juste en train de venir qu'on soit pas dans une relation d'aide, de charité, quoi, complètement. Oui, et puis consommer de l'activité ou des choses comme ça, parce que des fois le centre social se retrouve à être juste offrir des services et on vient consommer un atelier de cuisine et puis un cours et on crée pas forcément une dynamique qui puisse un peu se répercuter sur la vie de quartier. Bah, tout à fait, ouais. Ouais, ou ça répond pas, des fois, c'est les professionnels ou même des militants bénévoles qui ont des idées et qui répondent pas forcément à la demande ou aux besoins des habitants. Il faut toujours réinterroger, dans l'accompagnement social et culturel, la demande des gens. Il faut qu'ils la posent quelque part. Oui, non, mais c'est, je pense, aujourd'hui, c'est le plus quand dur, Guillaume il dit, moi j'accentue là-dessus, quoi, un vrai lieu, je ne sais pas si c'est un outil, mais en tous les cas, un vrai espace d'émancipation pour l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs origines ou leur niveau socio-professionnel, c'est le vivre ensemble et c'est s'émanciper et surtout être en capacité de faire ses choix, quoi, d'être des choix conscients et de dire voilà, nous on va être interrogés là-dessus, vous, administrateurs, vous, salariés, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait, les jeunes aujourd'hui demandent à se retrouver, à faire des projets ensemble. Donc on va en parler un petit peu parce que je pense que depuis un an et demi, deux ans, on a pris en charge cette idée-là d'améliorer les conditions d'accueil sur les jeunes et les jeunes adultes qui ont des demandes exprimées et plus loin des demandes de vivre une vraie citoyenneté dans ce quartier. Donc voilà, ça c'est ce que disait Guillaume, c'est le vrai travail que nous on fait. Les administrateurs, les salariés, les bénévoles, pour faire entendre qu'il y a des besoins peu ou pas du tout mal satisfaits, quoi, sur nos quartiers, en termes de jeunesse, par exemple. Pareil, donc toujours être à cette question de la demande, de l'écoute et de ce que les gens ont besoin et veulent faire, quoi. Donc c'est ça le premier acte éducatif. Et je trouve que là, depuis 3-4 ans... avec les salariés, avec les gens du conseil d'administration, avec les bénévoles, on commence à avoir une démarche qu'on a voulu, une démarche de co-construction. Et pour nous, ce n'est pas galvaudé de dire co-construction, c'est de dire d'aller ensemble, et pas simplement dans un conseil d'administration, mais sur des ateliers, des commissions, des rencontres, des fêtes, être ensemble dans une réponse collective à un besoin social, culturel, économique, local, mais qui va au-delà de nos rues, quoi, qui va sur émanciper tous nos jeunes et nos moins jeunes, c'est aussi leur donner l'envie de faire des choses ailleurs, hors les murs, dans d'autres quartiers, de transmettre ça, quoi, d'avoir accès à une vraie Là, aujourd'hui, la grosse question sur notre quartier, la lutte, hein, moi je le dis toujours dans les conseils d'administration, c'est l'école, quoi, c'est la paupérisation des collèges sur le quartier, puisqu'ils ont été abandonnés par toute une frange de la population et on se retrouve dans des collèges ghettos. Donc à un moment donné, personne ne peut assumer ça, ni les enseignants, ni les élèves, d'être tous dans un même lieu où il y a tous les problèmes d'un même quartier, quoi. Donc il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de... Mais cette solidarité que je parlais tout à l'heure dans les écoles, quand les parents d'élèves, c'est les gens qui ont accès, qui ont envie à apporter de la solidarité, mais aujourd'hui dans les collèges, elle est... surtout deux collèges du quartier n'existent pas. Donc voilà, c'est être attentif à ça et c'est surtout agir pour qu'il y ait vraiment de la transformation à ce niveau-là. Ce niveau-là comme les autres, mais déjà quand les familles... On permet à leurs enfants d'avoir accès à la culture pour tous, à l'éducation pour tous. Déjà, quelles que soient les conditions sociales, ça permet déjà aux familles de mieux vivre. Ouais, et d'être apaisé, de dire « mes enfants réussissent, je suis là, je me bats pour eux ». Mais voilà, il y a une attention qui leur est portée et ils ont accès, comme tout le monde, à de bonnes études et à un bon travail. Alors ça, c'est un outil. Du coup, puisque c'est, tu peux essayer de te l'approprier. Après, c'est toujours. Et moi, il y a un mot que j'aimerais bien dire, c'est éducation populaire, quoi. C'est que c'est j'ai failli le dire, sinon je vais pas mettre le pied dedans. Mais voilà, parce qu'on peut ne pas le dire aussi, et on peut. Ouais, ouais. Alors après, éducation populaire, ça veut pas dire éduquer le peuple, quoi. Pas du tout, quoi. Ah c'est oui, non, on connaît bien ce que c'est. Ah, ouais, oui. Ouais. Et enfin. Parce que de toute façon, c'est la base des centres sociaux. Des associations. Ouais, même. Voilà. Mais, oui, non, mais je veux dire, dans l'agrément CAF, là, tout ça, ça peut être tout à fait au niveau institutionnel. Te référer à ça, c'est tu rentres dans les cadres, quand même. Même historiquement. C'est pour ça que, du coup, oui. Ben, oui. Bah, puisque c'est quand même le fait associatif qui a créé l'éducation populaire. Quoi. Oui, oui. Non, mais du coup, c'est quelque chose qui est inscrit dans le... Mais après, c'est vrai qu'il y a... Après, il faut savoir le... Le mot est un peu galvaudé, c'est pour ça qu'on hésite aussi à le dire, parce qu'il y en a qui s'en réclament et qui en sont sortis, clairement. Bon, je ne vais pas dénoncer. mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant, cette idée d'éducation populaire, de donner accès, justement, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir se construire un sens critique à partir de donner accès au savoir, à la culture, à la connaissance, de la partager. Que la culture, bah, ce n'est pas juste la culture élitiste, c'est aussi la culture que construisent les gens, qu'il y a une vraie culture populaire aussi dans ces quartiers, qui est faite de plein de mélanges, de rencontres et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un concept effectivement qui est ancien, qui est né à, on peut le faire remonter même à Condorcet, quoi, mais en tout cas c'est résolument moderne, quoi. C'est aujourd'hui c'est ça pour moi le bon, c'est pour ça que je fais ce métier là, quoi. C'est pour essayer de partager cette connaissance, cette envie, cette culture avec un petit C, et voilà, et que les personnes puissent être autonomes, faire leurs propres choix, et voilà, ne pas être complètement ouais, pouvoir avoir développé leur propre sens critique en connaissance de cause, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On fait une petite pause musicale avant de parler un peu avec les filles des activités en concret qui se passent dans le centre. Petite pause musicale, la jungle des luttes, on revient. De l'amitié et de l'amour. beaucoup sont disparus. À moi maintenant de faire le mémoire d'un souvenir. Cousin, Lobo, Cocadigné. Cousin, Lobo, Cocadigné. Ses bonheurs et ses malheurs. La jungle des luttes, merci de nous écouter. On est encore une petite demi-heure avec les copains de J2P, Centre Social Culturel du 19e. Et donc, on va plutôt parler maintenant de ce qui se passe vraiment dans ce centre, là, ce qui est toutes les activités qui sont menées et les initiatives. Et donc, il y a Anne et Kétia. Donc, il y a Kétia qui va peut-être nous parler sur la vie de quartier. Toi, tu te charges plus de cette activité, de secteur. Juste un petit mot peut-être aussi pour ajouter à ce que Guillaume a dit tout à l'heure sur cette association. Donc en 97, effectivement, 40 mètres carrés, un salarié. Quelques années plus tard, donc en 2002, 3 salariés, 100 mètres carrés. Et aujourd'hui, donc, on est 7 salariés en 2011. Ça, c'est important pour que les auditeurs se rendent un peu. Se rendent compte, on a 3 locaux et on a ce jardin partagé en gestion depuis quelques années. Et donc, on est aujourd'hui 7 salariés à temps plein. Donc, Guillaume qui est directeur. On a une collègue qui s'appelle Karima qui est responsable du secteur famille. On a un collègue qui s'appelle Marc, qui est responsable du secteur enfance et jeunesse. On a Anne, qui est à côté de moi là aujourd'hui, qui est, elle, coordinatrice des activités sociolinguistiques. Et moi, qui suis donc coordinatrice de projets transversaux. Donc moi, Et Cyprienne, non, aussi ? Et Cyprienne, oui, c'est vrai. Cyprienne, qui est arrivée dans... Maintenant. Et on évite. Le CA vient de voter une nouvelle embauche la semaine dernière. Donc on évite. Pour le centre de loisirs. Donc voilà, moi je suis arrivée en 2005 sur ce poste de coordination de projets transversaux, donc en lien avec Marc et Karima sur la famille et sur l'enfance-jeunesse. Et donc moi je suis à ce titre, je travaille sur la participation des habitants et sur l'animation du quartier. Donc pour ceux qui connaissent un peu ce quartier, ou ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, c'est un quartier situé entre le métro Lomière et métro Ourcq, on va dire. C'est la rue Petit, je ne sais pas si on l'a déjà dit. On a bafouillé dessus, on a trébuché. Donc cette rue Petit, elle ne jouit pas d'un grand tissu associatif, mais en tout cas, près des locaux de G2P qui sont maintenant au nombre de 3, donc c'est pas mal, il y a une bibliothèque, une crèche et il y a un square. Bientôt 4 locaux, me dit le directeur, c'est vrai. Bientôt un 4e local. Donc c'est bien, là, vous avez de l'espace pour faire participer les habitants à tout plein d'activités. Ouais, justement, juste, je te coupe deux secondes, je te redonne la parole. On a là l'opportunité d'avoir un nouveau local qui est juste en face de nos locaux habituels, qui était une boutique de vêtements qui n'était pas du tout adaptée au quartier. Et voilà, on a vraiment envie aussi de développer un peu un projet, peut-être un peu d'un lieu en tout cas qui soit vraiment adapté aux rencontres, aux échanges et tout, quoi. Peut-être d'un sorte de café social, culturel, où il peut y avoir des soirées, où on peut accueillir les gens. On ne sait pas encore, on va définir le projet avec les gens. Et puis il y a aussi, Anne en parlera tout à l'heure, mais il y a des femmes aussi qui viennent au cours de français, qui s'émancipent, qui sont dans des démarches comme ça. De progression, quoi, et de parcours, et qui aujourd'hui ont des vraies envies, d'autres envies, quoi. On n'a plus envie d'apprendre le français. Maintenant, on a envie de monter notre resto, on a envie de devenir un traiteur, on a envie de monter une crèche parentale. Enfin, voilà, il y a des vraies envies, et maintenant, il y a d'autres projets aussi à accompagner. Et ces nouveaux locaux vont peut-être nous permettre aussi d'élargir un peu notre champ d'action. Ouais, quoi. Les perspectives s'ouvrent, du coup. Et le quartier s'y prête vraiment, et les. On est dans un quartier qui est super vivant, qui est mixte, pas dans le sens mixte comme on l'entend, c'est qu'il y a des immeubles donc qui sont des vieux immeubles avec des familles françaises, souches, qui sont là depuis des années. Il y a également donc un parc de logements HLM, et donc les familles depuis 2005, se rencontrent et font des choses dans notre association. Et on a mis justement en valeur toute cette dimension faire ensemble, vivre ensemble. Donc on a proposé des tas d'activités avec les habitants. Et d'ailleurs, certaines de ces activités sont à l'initiative d'habitants. On a, par exemple, imaginé de travailler sur des soirées thématiques, des soirées ciné-club, où on trouve que c'est un formidable lieu où les familles se rencontrent, et les familles complètement différentes qui viennent sur ces soirées. On a ce jardin partagé, qui est aussi un formidable lieu de rencontre entre les habitants, jeunes et moins jeunes, français et d'origine étrangère. Voilà. On travaille beaucoup sur des événements rue. La rue est un peu à nous, et on essaye de faire des événements, des fêtes. Dès qu'on peut utiliser le square, on le fait aussi. Et nos fêtes de quartier, elles réunissent à chaque fois beaucoup de monde, et au-delà du quartier. Hein, il y a plus de 1 500 personnes qui viennent, notamment sur la fête de quartier de l'été. Donc on en profite pour annoncer que la prochaine fête de quartier aura lieu le 18 juin, c'est ça ? Voilà, donc de 9h à minuit. L'an dernier, par exemple, on avait fait venir des artistes de rue de tout genre, et des artistes vraiment très fabuleux. On avait fait venir des échassiers, des marionnettistes et des marionnettes géantes, aussi des grandes personnes. On avait fait venir un groupe du Burkina Faso qui a mis le feu dans le square, et toutes les familles dansaient dans le square. C'était assez sympa. Donc rendez-vous le 18 juin. 18 juin, voilà. Et donc il y a un vide-grenier, donc dans l'après-midi, donc voilà, avant. Donc les inscriptions sont ouvertes la semaine prochaine, à partir de mardi. 20 € le mètre. Oui, 12 € le mètre. Et puis, bon, ah là, 12 € ou 20 €, ça change tout, parce que 20 €. Et bien euros, entendu, réservé aux habitants du 19e. Voilà. Donc voilà, je vais peut-être laisser parler Anne et puis revenir après. Oui, bah alors moi au sein de J2P, donc je suis coordinatrice pédagogique, et donc j'accueille les personnes qui demandent à apprendre le français pour. Alors souvent derrière cette demande, tu parlais des demandes, Joël, donc en fait c'est important, parce que derrière c'est aussi ce qui nous permet de sonder sur les motivations. Il y a effectivement par exemple, de la part des femmes ou des parents en général. Il y a par exemple cette volonté-là de vouloir mieux comprendre les bulletins scolaires à l'école. Voilà, c'est un cas pratique réel pour pouvoir mieux intervenir avec les professeurs, comprendre l'orientation scolaire des enfants. Ça peut être aussi comprendre ce que le médecin me raconte, pouvoir exprimer la douleur, pouvoir exprimer un problème par rapport à un traitement qui a été prescrit. Enfin voilà, des choses très concrètes, pratico-pratiques, j'ai envie de dire, mais qui posent de nombreux freins pour une insertion sociale réussie. Et donc voilà, donc l'apprentissage de la langue française. Dans ces groupes, on a plusieurs profils de personnes. Il y a des personnes qui ont été scolarisées, d'autres qui l'ont moins été, ou mal, comme on dit dans les textes officiels. Il y a des personnes qui sont francophones, d'autres qui ne sont pas du tout francophones, des primo-arrivants, des personnes qui sont là depuis 15 ans. Enfin, voilà, il y a vraiment une grande hétérogénéité qui fait la richesse de ces groupes, parce que du coup, chaque personne se rend compte que si toi, tu sais lire et écrire, moi, par contre, pour parler, c'est plus difficile, mais on va pouvoir s'entraider. Et puis, surtout, ce qui permet à cette activité de fonctionner, c'est parce qu'il y a une grande équipe de bénévoles très, très impliqués, très désireux de vouloir aider pour une meilleure insertion sociale, et surtout très conscients aussi que le simple fait de vouloir aider ne garantit en rien une progression, et du coup très demandeurs. Ces formateurs bénévoles sont très demandeurs de conseils techniques, quoi, pour réellement permettre même formés en quelque sorte. Oui, aussi, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, vraiment une grande implication. Et oui, allez, coupe-moi, Guillaume. Juste pour dire quoi, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le AJ2P, il y a 70 bénévoles quand même, quoi. Et un centre social associatif ne peut absolument pas exister sans bénévoles. Donc c'est hyper important de le souligner. On les remercie tous les jours parce que s'il n'y avait pas ces gens du quartier qui se disent on a envie de faire des choses avec l'association, avec les autres, ça n'existerait pas, ça serait impossible, quoi. Ouais, 70 bénévoles, c'est beaucoup. Ouais. Ah ouais, enfin, ouais. C'est un bon nombre. Et donc voilà, donc du coup, les ateliers, ils ont lieu 3 fois par semaine, l'après-midi ou le soir. Et il y a également des personnes qui se préparent au BAFA, brevet d'animateur en fait, aux fonctions d'animateur. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que ces personnes-là, certaines sont des femmes, certaines sont dans une logique d'insertion professionnelle, vouloir passer le BAFA, obtenir un premier diplôme pour travailler après dans l'animation. Et puis d'autres personnes font plus partie de ces leaders émergents du quartier qui vont pouvoir animer des activités pendant la fête du quartier, par exemple. Donc voilà, tout ça, ça crée des dynamiques et... d'un seul coup, en fait, ce que les cours de français y permettent, c'est effectivement d'avoir la vie quotidienne moins dure. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième, à un moment donné, de prendre confiance en ses capacités, parce que à côté des cours de français, ce sont des personnes qui ont une vie et une vie très riche, qui, par exemple, ont l'expérience de parents que moi j'ai pas, par exemple. Enfin, voilà, tout ce qui permet de rééquilibrer les rapports aussi entre formateur et la personne qui vient, qui est en demande de formation. Et du coup, via l'apprentissage de la langue, effectivement, au bout d'un moment, il devient plus possible de faire des choix. On travaille beaucoup sur la mobilité aussi pour sortir du quartier, tout ce que tu disais tout à l'heure, Joël. Par exemple, je vous ai parlé du spectacle de Tata Milouda, ça fait partie de la démarche aussi, de prendre le métro, de regarder quel trajet on va prendre. Et puis tout ça, c'est ce qui fait... Je crois que ce qui est très, très présent à J2P, pour revenir sur les bénévoles, c'est que on travaille avec des bénévoles qui habitent le quartier. Presque tous habitent le quartier. Et du coup, c'est vraiment la plus-value, c'est tous ces rapports humains qui s'instaurent naturellement, en fait, sans qu'on ait besoin de créer du lien social. Mais ça se fait parce que les bénévoles parce qu'ils veulent participer, qu'ils se recroisent en dehors des cours de français, à la pharmacie, au marché, Mais c'est tout ce que moi, en tant que professionnelle et n'habitant pas le quartier, je ne peux pas apporter, mais qui est absolument indispensable pour que des personnes puissent trouver une autonomie sociale dans la vie quotidienne, retrouver leur dignité, surtout en ces temps... Pareil, je ne vais pas dénoncer, mais c'est quand même pas facile en ce moment. Les lois se sont bien durcies par rapport aux situations administratives des personnes. Pareil, on a beaucoup entendu sur l'apprentissage de la langue, la langue du pays d'accueil, la maîtrise de la langue du pays d'accueil, c'est un sujet qui a été complètement instrumentalisé. Et voilà, à J2P cette année, pour la première fois, on prépare des personnes au diplôme initial de langue française, le DILF. Je tiens à préciser qu'on n'est pas du tout dans un cadre obligatoire. Ce sont des personnes qui, enfin, les personnes qui sont c'est désireuses une démarche, de se... voilà, c'est elles qui font la démarche, qui ont envie d'obtenir un premier diplôme. Mais c'est pas du tout la carotte et le bâton, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Contrairement à d'autres. Ouais, parce que c'est ce que tu me disais avant, quoi. C'est vrai que ça a été présenté. Donc il y a eu, pour ceux qui savent pas, depuis quelques années, le contrat d'accueil et d'intégration pour les migrants en fait qui arrivent en France et qui du coup leur donne droit, mais plutôt les oblige. En fait, on a à avoir des cours de français et à passer ce fameux diplôme initial de langue française, le DILF. Et ce qui était intéressant, on avait une petite discussion l'autre jour, on parlait de ça. On voit que voilà, ce droit à la langue, ce droit d'apprendre la langue et de pouvoir maîtriser les codes aussi culturels du pays d'accueil est devenu un devoir, quoi. Donc aujourd'hui, si on veut avoir le renouvellement de sa carte de séjour ou tout simplement l'obtenir déjà pour une première demande, il faut passer ce diplôme-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est instrumentalisé. Nous on essaye, on n'est pas du tout dans cette démarche là, quoi. Ouais, donc voilà pour le DILF. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que quand même, grâce à ces cours de français le soir et surtout à l'implication des bénévoles, les personnes qui fréquentent les ateliers de français, elles ont droit d'un seul coup à un autre visage de leur pays d'accueil, qui est vraiment c'est une demande très forte, quoi, d'être en lien avec les Français, de pouvoir échanger sur des sujets aussi bateaux que la pluie et le beau temps, ou alors sur des sujets plus importants comme voilà, la scolarité des enfants ou le quartier. Mais c'est vraiment cette demande très forte d'être en lien avec les Français. Les groupes de langues, ils sont mixtes, ou parce que tu parlais des groupes de femmes, j'ai pas compris si c'était parti avec le groupe de langue ou un groupe de femmes. Ouais, en fait, il y a deux groupes. Il y a un groupe l'après-midi. Là, c'est un groupe composé de femmes. Et il y a un groupe le soir. Là, c'est mixte. Et le soir, ce sont plus souvent des personnes qui travaillent. Et voilà, d'ailleurs, enfin voilà. Des personnes qui travaillent. Et c'est vrai que ça leur fait du bien. Enfin, c'est un des retours qu'on a d'avoir voilà, un sourire, quoi, trois fois par semaine. D'avoir, enfin, ça permet à ces personnes-là d'avoir un autre visage de la France, en fait, que ce qu'elles vivent au quotidien, qui n'est pas facile, je veux dire, pour des choses hyper pratiques comme l'aide médicale d'État ou quoi. Enfin, vraiment, alors là, heureusement qu'on a Norris qui fait de la médiation, qui aide notre collègue, parce que c'est très compliqué souvent. Le parcours des migrants qui arrivent en France, il faut quand même, je ne sais pas si on le dit assez ou trop, mais ils sont confrontés à une violence réelle et symbolique hyper forte, quoi. Et c'est vrai que nous, on se sent aussi dans un rôle d'accueil, quoi, de se dire, bah oui, au moins ici, si tu pousses la porte, on va t'accueillir, comme tu disais, avec un sourire, un bonjour, et puis on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas tant de lieux que ça où les migrants peuvent trouver cet accueil. Ouais. Voilà, alors juste pour finir là-dessus, en ce moment, on organise, on est partie prenante à J2P plutôt de la votation citoyenne sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections locales. Donc tous les apprenants qui sont dans les cours de français participent la tenue de l'urne, des feuilles d'émargement. On explique ce que c'est qu'un vote, une votation citoyenne, un référendum. Enfin voilà, on va éclaircir certaines notions. On a une exposition dans la salle principale de l'association. Et donc voilà, on peut voter du 21 au 28 mai sur cette question-là. J2P, les apprenants pourront même accueillir. Voilà, s'il y a des personnes intéressées, j'en profite un petit peu. réexplique un petit peu, parce que ouais. Je ne sais pas si les gens qui tout à coup viennent d'entendre l'information peuvent comprendre que tout à coup, s'ils sont intéressés, ils peuvent venir voter, etc. Alors, la première chose, c'est cette semaine, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 28, donc on va dire le 27, je ne sais pas. Enfin, à voir. En tout cas, il y a une urne. La question qui est posée, c'est êtes-vous favorable au droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections locales ? Donc, on répond oui ou non. On glisse son bulletin dans l'urne. Ou blanc, tout à fait. Voilà, donc nous, on tient une urne à J2P. C'est que pour les gens qui sont dans le 19e ou pour quoi c'est ouvert à tous et... ouais. C'est une campagne qui est lancée dans toute la France, en fait. Mais donc vous recevez que les... Par, voilà, initiée par la, voilà, exactement, par la Ligue des droits de l'homme. Et donc, dans le 19e, il y a un certain nombre de lieux points. Comme ça qui ont reçu cette urne pour que les gens puissent s'exprimer. Donc voilà, la votation, c'est le mot suisse. Et dire, bah oui, un peu dans une optique de démocratie directe, que les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils en pensent, puisqu'on ne leur pose pas la question, quoi. Une sorte de pétition, mais un petit peu plus, un peu géante, quoi. C'est ça. Et Joël, qui parlait de citoyenneté tout à l'heure, là, c'est un... Concrètement, au-delà même du militantisme, dans les cours, pour nous, du coup, c'est un super outil d'apprentissage et de permettre d'aller vers une suite, d'exercer ses droits en tant que citoyen. Et ça, c'est très valorisant pour des personnes qui n'ont pas le droit de vote ou à qui on ne demande pas d'habitude. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est et nous, c'est comme ça qu'on travaille la langue, en fait. On trouve des situations à problème ou des situations qui mobilisent ou les supports d'apprentissage, ils sont là. La langue est vivante, quoi. La langue vivante. Il y a aussi, ouais, c'est intéressant que tu dises ça, quoi, toute une approche pédagogique qui va être très différente de ce qu'on peut imaginer quand on pense apprendre à lire ou à écrire, quand on apprend à des adultes, c'est très différent, quoi. Et il y a justement un auteur brésilien, Paulo Freire, qui a beaucoup écrit là-dessus sur la pédagogie, justement par ses méthodes actives, par le fait de relier les choses à du concret. Donc c'est vraiment comme ça que ça. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, en fait, hein, à moins d'être vraiment dans une approche très scolaire. Mais pour quelqu'un qui a jamais été à l'école, mais Guillaume, même à l'école, il faudrait réintroduire la forme vivante des apprentissages. Elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc quand le jeune comme Cyprien, il vient au centre de loisirs et qu'il travaille sur un projet artistique et culturel autour de sa citoyenneté, ça lui redonne, c'est le lien qu'il va refaire après avec sa scolarité. Donc je pense que là, c'est en restant maître de nouvelles formes pédagogiques, comme l'exprime Anne, c'est aussi redonner du sens à comment ces gens-là puissent agir sur la scolarité de leurs enfants aussi, ce qu'ils en attendent. C'est une question de droit. Droit à l'éducation, droit au logement, droit à la santé. Donc, de comprendre ce qu'on demande à leurs enfants aussi et d'agir sur les apprentissages scolaires qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout liés ni à la vie, ni à la langue vivante, ni à l'intérêt des... Alors là, c'est vraiment le truc éduc-pop, ça, hein, éducation populaire. C'est de dire... Freinet l'avait réinventé, ça, en 1921, quand il disait « on fait déjà des groupes de parole dans la classe et l'enfant s'auto-évalue ». Voilà, donc moi je pense que J2P est aujourd'hui une école expérimentale pour ces nouveaux apprenants, quoi, ces primo-arrivants et les autres. Parce que justement, en parlant de ça, est-ce que vous, quand vous faites... parce que vous faites des cours à... comment on appelle ça, j'ai un peu le cerveau mou, là... l'aide aux devoirs. Oui, l'accompagnement scolaire. Mais est-ce que donc là, justement, vous adoptez une démarche un petit peu particulière à l'aide aux devoirs ou bien vous êtes plus dans le... Mais c'est vers ça qu'on tend. C'est-à-dire que quand on est sur un projet global de dire d'émancipation de l'ensemble des personnes qui ont accès aux activités du centre social et culturel, c'est d'être dans une autre... c'est répondre différemment et comme un service, alors un vrai service solidaire, un vrai service social... De dire, voilà, pourquoi cet enfant-là, ça ne marche pas à l'école. Ce n'est pas simplement qu'il n'a pas écouté le cours ou qu'il a... Bon, il y a tout son environnement social et familial qui est en jeu, mais quand il vient faire de l'accompagnement à la scolarité, l'activité est source d'enrichissement. Moi, je suis même, je l'ai dit en CA, je l'ai dit à Guillaume et à Marc, normalement, l'accompagnement scolaire, on ne devrait pas faire de devoirs. On ne devrait être que sur des apprentissages transversaux qui permettent à l'enfant de passer du bon temps, de valoriser ce qu'il est en tant qu'individu, ce que tu fais d'ailleurs avec les publics en ASL, pour qu'il ait, dès le lendemain, une autre place dans sa classe et dans son école, par l'accès à la culture. Et la spécificité, justement, donc on fait de l'aide aux devoirs parce qu'il y a des devoirs et que c'est une demande des enfants et des parents, parce que souvent les parents ne peuvent pas aider ou les appartements sont trop exigus avec plein de frères et sœurs et tout, pas de difficulté à se concentrer. Il y en a qui viennent juste pour trouver un lieu à la SOS aussi. Hein. Mais du coup... tous ceux qui s'inscrivent pour avec cette demande-là, je veux qu'on m'aide à faire mes devoirs, on leur offre aussi un atelier artistique ou culturel qu'ils peuvent pratiquer gratuitement, quoi. Donc il y a du slam, il y a de l'art plastique, de la fabrication d'instruments de récupération, voilà, une petite palette comme ça d'activités artistiques et culturelles que les enfants pratiquent pas à la base, et puis ils viennent pour leurs devoirs, et puis on leur fait faire aussi d'autres choses, quoi. On met un micro petit bout là, parce qu'après il va falloir très vite se quitter. Je vous rappelle quand même qu'on sera là le mois de juin prochain, troisième lundi, où là on sera concentré sur le Mexique uniquement. Ça fait longtemps qu'on n'en parle pas, enfin qu'on n'en parle pas véritablement, et donc on pourra faire un petit point sur tout ce qui se passe. Normalement, on n'aura peut-être pas le temps de se reparler beaucoup, à faire musique, puis enchaîner peut-être sur notre générique de fin. Et on remercie Guillaume, Joël, Anne et Kétia. Merci et à toi. Et puis merci à tous les gens qui participent au projet J2P. Longue vie à lui, qui fleurisse bien. Et on rendez-vous le 18 juin alors à la fête de quartier. Musique et générique, on laisse la place aux copains d'après. À bientôt. Comme tous les troisièmes lundis du mois, la jungle des luttes. Ciao. A favela é problema social. A favela é problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é problema social. A favela é problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de...